Situation 3. Bonjour, je cherche la rue de l'étang, s'il vous plaît. Oh, c'est facile, c'est la deuxième à gauche après le pont.